ta gueule. Agis ou ferme ta gueule. Ouais, agis ou ferme ta gueule. Ouais, agis ou ferme ta gueule. On est que de passage, ils m'ont vu gentil mais des fois je suis pas sage. Je fais le décrassage, j'essaie de tourner la page. Mon rap est sale comme Scalic, t'as servi à trop de mains, à trop de massacres. Toi tu es un faux, je me souviens de toi. J'ai grandi comme un homme, moi dans ce bloc 23. Je traînais devant le bendo, j'ai jamais eu besoin de toi. Tellement plus que ça faisait pas la part tout le temps sous même doigt. J'aime le bruit du vroom, vroom de ma caisse. Ils me font passer pour un voyou à chaque fois sur la presse. Après ils veulent quand ça pèse, que je dis, je vois que ça pèse. Je vois que ça pèse, il aime ça le jeune de la thèse. Et toi me teste pas, j'en ai dans la testa. J'écris mal les questions, 2 ans 6 disques d'or. Et toi dis-moi qu'est-ce que t'as. Toi dis-moi qu'est-ce qu'il y a. J'suis d'humeur bestiale, toi tu sens les vestiaires. Tu veux me faire la bise, t'as tourné ta vestiaire. Je l'ai vu grandir, il me calcule pas, il est fier. Je veux faire bien pour tout le monde, mais j'suis pas l'abbé Pierre. Tu veux me faire du mal, eh ben vas-y. J'suis prêt comme ce soldat au Hazi. Mes petites cambutes à la Yamakasi. Cache-leur dans les couilles ou dans la Hazit. Ils suivent pas le move, ils veulent me test, moi j'entends. Et si j'suis parmi Corazon, on se retrouvera là-haut. Tu me cherches, tu me trouves le soir. À la pâte, le machin vers la boîte à gants. Bande de connards. Quand on ne sait pas frérot, oui on ferme sa gueule. Déçu de voir qu'il y a trop d'acteurs. Je suis comme je suis, non je change pas. Je dis vrai, non je mens pas. Ouais, agis ou ferme ta gueule. Ouais, agis ou ferme ta gueule. Ouais, agis ou ferme ta gueule. Ouais, agis ou ferme ta gueule. Laisse moi voler, faut que je m'en sorte. J'prends le rap de voler. Ils me font passer pour un franc-maçon. Eh ouais, motherfuck, toi t'es mort et tes fausses informations. Eh ouais, va sur ma page, like, huh. Si t'aimes pas, c'est pareil de façon. J'suis passé du foot au rap, merde. Maintenant j'me sens si seul ma soeur. Cette année je les choque, j'blague pas, non. J'fais dédicacer, c'est lâcheur. Et j'rigole pas, pas, pas. Les petites maintenant veulent devenir des braqueurs. J'entends le bruit de pas, pas, pas. Mélangé au moteur du Pfizer. Pas le move, ils veulent me test, moi j'entends. Et si j'suis parmi Corazon, on se retrouvera là-haut. Tu me cherches, tu me trouves. Le soir tard, j'suis à la pente. Le machin vers la boîte à gants. Bande de connards. Quand on ne sait pas frérot, oui on ferme sa gueule. Déçu de voir qu'il y a trop d'acteurs. Je suis comme je suis, non je change pas. J'dis vrai, non je mens pas. Ouais, agis ou ferme ta gueule. Ouais, agis ou ferme ta gueule. Ouais, agis ou ferme ta gueule. Ouais, agis ou ferme ta gueule. Agis ou ferme ta gueule. Agis ou ferme ta gueule. Agis ou ferme ta gueule. Agis. Ouais, agis ou ferme ta gueule. Ouais, agis ou ferme ta gueule. Agis ou ferme ta gueule. Agis.